L'ensorceleuse d'Arthur Conan Doyle. Rouff Éditeur, Paris, 1924. L'ensorceleuse. 24 mars. Voici le printemps arrivé cette fois. Le grand marronnier qui se trouve en face de la fenêtre de mon laboratoire est maintenant tout couvert de gros bourgeons vernis et gluants, dont quelques-uns, déjà éclatés, laissent apparaître de petites feuilles vert tendre, drôlement recourbées, comme des pattes de canard. Quand on se promène le long des allées, on a conscience du travail silencieux qu'accomplissent tout autour de vous les forces puissantes de la nature. La terre humide respire l'abondance et la fertilité. De quelque côté que l'on se tourne, on voit pointer de petites pousses verdoyantes. Les jeunes branches sont roidies par l'afflux de la sève qui monte en elles, et l'air, alourdi par les dernières brumes persistantes, est rempli de senteurs légèrement résineuses. Boutons de fleurs, petits agneaux couchés au pied des haies, partout l'œuvre de reproduction s'accomplit. J'en vois les effets devant mes yeux et je les ressens au-dedans de moi-même. Nous aussi, nous avons notre printemps en nous, lorsque nos artérioles se dilatent, que notre lymphe coule en un flot plus rapide, que les glandes, se gonflant et sécrétant davantage, fonctionnent avec un regain d'activité. Chaque année, la nature remet au point la machine humaine jusqu'en ses moindres rouages. En ce moment même, je sens que mon sang circule avec une vivacité inaccoutumée, et volontiers, sous la caresse du soleil qui entre à flot par ma fenêtre, je me mettrais à danser, comme un moucheron. Oui, positivement, je ferai cela, et si je m'en abstiens, c'est uniquement parce que je sais que mon voisin d'en dessous, Charles Sider, se précipiterait aussitôt chez moi pour savoir ce qui se passe. En outre, je ne dois pas perdre de vue que je suis le professeur Geoffroy. Un vieux professeur peut se permettre à l'occasion de céder à ses impulsions naturelles, mais quand on a la chance, à 34 ans, d'être titulaire d'une des chaires les plus réputées de l'université, il faut s'efforcer de jouer son rôle convenablement. Quel homme que Wilson ! Si seulement je pouvais me passionner pour la physiologie avec un enthousiasme égal à celui qu'il témoigne à l'égard de la psychologie, je serais certain de devenir à tout le moins un Claude Bernard. Toute sa vie, toute son intelligence et toute son énergie sont concentrées vers un même but. Il s'endort le soir en récapitulant les résultats qu'il a obtenus au cours de la journée qui vient de se terminer, et il se réveille le matin en combinant les recherches qu'il entreprendra au cours de celles qui commencent. Et cependant, sorti du cercle restreint de ceux qui s'intéressent à ses travaux, combien peu de profit il retire du mal qu'il se donne. La physiologie est une science reconnue. Si j'ajoute une pierre, si petite soit-elle, à son édifice, chacun s'en aperçoit et y applaudit. Mais Wilson, lui, cherche à établir les fondations d'une science qui ne pourra se développer que dans un avenir lointain. Son labeur s'accomplit sous terre et passe inaperçu, ce qui n'empêche pas qu'il le poursuit sans se plaindre, entretenant une correspondance suivie avec une centaine de demi-fous, dans l'espoir de rencontrer un seul témoin digne de foi, épluchant 20 mensonges dans l'idée de tomber par hasard sur un tout petit lambeau de vérité, relisant de vieux livres, en dévorant de nouveaux, se livrant à des expériences, exposant ses théories en public, cherchant à éveiller chez les autres l'ardeur qui le possède. Lorsque je songe à lui, je suis aussitôt plongé dans l'étonnement et dans l'admiration. Et malgré cela, quand il m'invite à m'associer à ses recherches, je suis forcé de lui répondre qu'au point où elles en sont actuellement, elles n'ont que bien peu d'attrait pour moi, qui demande avant tout à la science des précisions très nettes. S'il était en mesure de me montrer des réalités objectives ou positives, je serais peut-être tenté d'envisager la question au point de vue physiologique. Mais tant que ces sujets d'études conserveront les uns une nuance de charlatanisme et les autres une nuance d'hystérie, nous autres physiologistes, nous devrons nous contenter de disséquer le corps en laissant à nos descendants le soin d'approfondir l'esprit. Je suis sans doute un matérialiste. Agatha prétend que j'ai des idées tout à fait terre à terre. Je lui réponds à cela que c'est une excellente raison d'abréger nos fiançailles, puisque j'ai tant besoin de sa spiritualité. Néanmoins, je puis me vanter d'être un curieux exemple de l'influence, car, ou je me trompe fort, ou je suis par nature un homme profondément psychique. Enfant, j'étais nerveux, susceptible, rêveur et somnambule. J'obéissais à des impressions et à des intuitions sans nombre. Mes cheveux noirs, mes yeux sombres, ma figure émaciée, mon teint olivâtre, mes doigts fuselés, Tous ces indices sont la caractéristique de mon tempérament vrai et font dire aux gens experts en la matière comme Wilson que je suis de leur caste. Mais mon cerveau est farci de connaissances exactes. Je me suis exercé à me préoccuper uniquement des choses prouvées et des faits établis. L'imagination, les conjectures n'ont aucune place dans le domaine de mes pensées. Montrez-moi des choses que je sois à même de voir avec mon microscope, de couper avec mon bistouri, de peser avec mon trébuchet, et je consacrerai tout mon temps à les élucider. Mais demandez-moi d'étudier des sensations, des impressions ou des suggestions, et vous me mettrez en demeure d'accomplir une tâche qui me paraîtra non seulement désagréable, mais pénible. Tout ce qui s'éloigne de la raison pure me choque comme une mauvaise odeur ou comme une fausse note. C'est précisément ce qui fait que j'éprouve une certaine répugnance à aller ce soir chez le professeur Wilson. Toutefois, je sens que je ne pourrai guère esquiver cette invitation sans manquer aux lois les plus élémentaires de la politesse. Et du reste, sachant maintenant que Madame Marden et Agatha iront à cette soirée, je ne chercherai naturellement pas à me dérober, même si cela m'était possible. J'avoue pourtant que je préférerais me rencontrer avec elle en tout autre lieu que celui-là. Je sais fort bien que s'il ne tenait qu'à lui, Wilson m'aurait depuis longtemps entraîné avec lui dans l'étude de cette science vague et imparfaite pour laquelle il a tant d'admiration. Il est d'un enthousiasme si délirant qu'il n'a jamais l'air de faire attention à vous quand on lui adresse de douces remontrances, ou qu'on cherche à lui faire comprendre à demi-mot qu'on ne partage pas ses opinions. Seule une véritable dispute pourrait le décider à se rendre compte de l'aversion que toutes ces questions m'inspirent. Je suis convaincue qu'il aura encore déniché un nouvel hypnotiseur, clairvoyant, médium ou illusionniste quelconque, et que son intention est de nous l'exhiber, car même quand il cherche à faire plaisir, il reste toujours sous l'influence de sa marotte. Enfin, dans tous les cas, ce sera un vrai régal pour Agatha, puisque selon le propre de toutes les femmes, elle s'intéresse à ces choses-là comme aux autres choses, quelles qu'elles soient, qui ont un caractère imprécis, mystique et confus. 10 heures du soir. Ce simple fait de tenir un journal provient, je me le figure, de cette scientifique habitude d'esprit dont je m'entretenais ce matin en ces pages. J'aime à enregistrer mes impressions pendant qu'elles sont encore fraîches. Une fois par jour, au moins, je m'efforce de déterminer d'une façon précise à quel point j'en suis, mentalement parlant. J'estime en effet que cet examen de conscience quotidien a son utilité et qu'il exerce une salutaire influence sur le caractère en lui donnant une fermeté plus grande. Pour être franc envers moi-même, je dois reconnaître que le mien a grand besoin de toute l'assurance que je suis susceptible de pouvoir lui donner. Je crois que malgré tout mon tempérament a conservé beaucoup de sa nervosité première et que je suis malheureusement très éloigné encore de posséder la mathématique et froide précision qui caractérise Murdoch ou Pratt Haydan. S'il n'en était pas ainsi, comment expliquer que la grossière supercherie dont j'ai été témoin ce soir m'est surexcitée au point que j'en suis encore tout retourné? Ma seule consolation est que ni Wilson, ni Mademoiselle Penelosa, ni même Agatha n'ont pas pu s'apercevoir, ni seulement se douter, de ma défaillance. En somme, qu'ai-je donc vu pour m'être laissé aller à une agitation pareille? Rien, ou du moins si peu de choses, que cela paraîtra absolument ridicule lorsque je l'aurai rapporté par écrit. Les Marden étaient arrivés chez Wilson avant moi. Je fus d'ailleurs l'un des derniers arrivants, et lorsque j'entrai, le salon était déjà rempli de monde. J'avais à peine eu le temps d'échanger quelques mots avec Madame Marden et avec Agatha, qui était ravissante avec sa toilette rose et blanche et ses épis de blé étincelants parmi ses cheveux, que tout de suite Wilson se précipita vers moi et me tira par la manche. « Vous réclamez toujours quelque chose de positif, Gibroy, » me dit-il en m'attirant à l'écart dans un coin. « Eh bien, mon cher garçon, je tiens un phénomène, un véritable phénomène. » Ces paroles m'auraient sans doute causé une impression plus vive s'il ne m'avait tenu pareil discours plusieurs fois auparavant. Son esprit imaginatif lui fait toujours prendre une luciole pour une étoile. « Et cette fois-ci, vous savez, vous ne pourrez pas mettre en doute ma bonne foi, » reprit-il, ayant peut-être remarqué une pointe de malice dans mon regard. Ma femme connaît depuis des années la personne en question, car elles sont en effet toutes deux originaires de la Trinité. Mademoiselle Penelosa n'est arrivée en Angleterre qu'il y a 1 ou 2 mois et ne connaît personne en dehors de ceux qui appartiennent au monde de l'université. mais je vous assure que ce qu'elle nous dit suffit à établir la clairvoyance sur une base absolument scientifique. Je n'en connais pas de comparables à elle, ni comme amateur, ni comme professionnel. Venez que je vous présente. Je déteste tous ces colporteurs de mystères, mais plus particulièrement encore ceux du genre amateur. Quand on a affaire à un professionnel à gages, on peut lui tomber dessus et le démasquer dès qu'on s'est aperçu de sa supercherie. Il est là pour vous illusionner, et vous êtes là pour percer son secret. Mais que pouvez-vous faire du moment qu'il s'agit d'une amie de la femme de votre hôte ? Braquerez-vous soudain sur elle de la lumière pour la surprendre en train de frapper subrepticement sur un banjo ? Ou bien inonderez-vous de cochenille sa robe de soirée, au moment où elle se faufile à la dérobée avec sa bouteille phosphorescente et sa platitude surnaturelle? Non, n'est-ce pas? Car vous savez bien que cela provoquerait une scène et que l'on vous traiterait de malautru. De sorte qu'il ne vous reste plus qu'à choisir entre passer pour telle et avoir l'air d'une dupe. Aussi n'étais-je pas de très bonne humeur lorsque je suivis Wilson. Elle ne ressemblait en aucune façon à l'idée que je m'étais jusqu'alors formée sur les créoles. C'était une créature petite et frêle, bien au-dessus de la quarantaine, me parut-il, avec une figure pâle en lame de couteau et des cheveux d'un châtain très clair. Elle avait une personnalité insignifiante et des manières réservées. Dans n'importe quel groupe, formé d'une dizaine de femmes prises au hasard, c'était bien la dernière que l'on eût remarquée. Ses yeux étaient peut-être ce qu'elle avait de plus remarquable, et aussi, je suis forcé de le dire, de moins plaisant. Ils étaient de couleur grise, d'un gris légèrement verdâtre, et leur expression avait quelque chose de positivement furtif. Mais furtif est-il le mot juste, et ne devrais-je pas plutôt dire farouche ? À y bien réfléchir, c'est encore félin qui serait le terme le plus exact. Une béquille appuyée au mur m'avertit d'un détail qui devint pitoyablement visible quand Mademoiselle Penelosa se leva, à savoir qu'elle était estropiée d'une jambe. Wilson nous présenta donc l'un à l'autre, et je ne fus pas sans remarquer qu'en entendant prononcer mon nom, elle jeta un coup d'œil dans la direction d'Agatha. J'en conclus que Wilson l'avait déjà mise au courant. Je m'attendais d'avance à ce qu'elle m'annonça peu de temps après, par des moyens occultes, que j'étais fiancée à une jeune fille portant des épis de blé dans les cheveux. Je me pris à me demander quels autres renseignements Wilson avait encore pu lui fournir sur mon compte. « Le professeur Gibroy est un terrible sceptique, » déclara-t-il. « J'espère, mademoiselle, que vous réussirez à le convertir. » Elle me considéra avec attention. Le professeur Gibroy a pleinement raison de se montrer sceptique, s'il n'a rien vu jusqu'ici qui puisse le convaincre, répondit Mademoiselle Penelosa. J'aurais cependant été tentée de croire, professeur, ajouta-t-elle en se tournant vers moi, que vous auriez constitué vous-même un excellent sujet. À quel propos, donc, je vous prie? Mais, dame, pour l'hypnotisme, par exemple. J'ai toujours remarqué que les hypnotiseurs choisissaient pour sujet des individus d'une mentalité peu saine. Tous les résultats qu'ils obtiennent sont, à mon point de vue, viciés par ce fait qu'ils ont affaire à des organismes anormaux. Laquelle de ces dames qui nous entourent serait-elle douée, selon vous, d'un organisme normal ? Me demanda-t-elle. Je voudrais vous voir choisir, vous-même, celle qui vous semble douée de l'esprit le mieux équilibré. Ne serait-ce point, par exemple, cette jeune fille en blanc et rose, Mademoiselle Agatha Marden ? C'est son nom, si je ne me trompe. Certes, les résultats qui pourraient être obtenus grâce à elle me paraîtraient d'un grand poids. Je n'ai jamais tenté de savoir jusqu'à quel point elle était impressionnable. Il y a des personnes, cela va de soi, qui répondent beaucoup plus rapidement que d'autres. Permettez-moi tout d'abord de vous demander jusqu'où s'étend votre scepticisme. Vous admettez bien, j'imagine, le sommeil hypnotique et le pouvoir de la suggestion. Je n'admets rien du tout, mademoiselle. « Grand Dieu, je croyais que la science avait avancé plus que cela. Moi, naturellement, je n'ai pas la prétention de connaître quelque chose du côté scientifique de la question. Je sais seulement ce que je suis en état d'accomplir, voilà tout. Ainsi, par exemple, vous voyez cette jeune fille en rouge qui est près de la potie japonaise. Eh bien, je vais l'obliger, par ma volonté, à s'approcher de nous. » Ce disant, elle se pencha en avant et laissa tomber son éventail sur le parquet. La jeune fille pivota sur elle-même et s'avança droit vers nous avec une mine un peu étonnée, comme si elle s'était subitement entendue appeler. « Eh bien, Gibroy, qu'est-ce que vous en pensez ? s'écria Wilson dans une sorte d'extase. Ce que j'en pensais, je n'eus garde de le lui dire. À mon sens, c'était l'imposture la plus flagrante et la plus éhontée qu'il n'eût jamais été donné de voir. Vraiment, la collusion et le signal avaient été par trop manifestes. Le professeur Gibroy n'est pas satisfait, constata Mademoiselle Penellosa en relevant vers moi ses petits yeux étranges. Il s'imagine que c'est à mon malheureux éventail qu'il faut attribuer tout l'honneur de cette expérience. Allons, nous essaierons autre chose. Mademoiselle Marden, verriez-vous quelque inconvénient à vous laisser endormir par moi ? Oh, nullement, mademoiselle, cela m'amuserait beaucoup, au contraire, s'écria Agatha. Toute la foule des hommes en habits noirs et des femmes en toilettes décolletées s'était maintenant groupée en cercle autour de nous, les uns intimidés, les autres discutant comme s'il s'agissait de quelque chose tenant le milieu entre une cérémonie religieuse et une séance de prestidigitateur. On avait poussé dans le milieu un fauteuil en velours cramoisi, et ma fiancée s'y était assise, un peu rouge et un peu tremblante d'émotion, comme je le voyais aux vibrations qui agitaient ses épis de blé. Mademoiselle Penellosa se leva et, s'appuyant sur sa béquille, s'approcha d'Agatha de façon à la dominer de toute sa taille. On aurait dit qu'elle s'était brusquement métamorphosée. Elle n'était plus ni petite ni insignifiante à présent, et elle paraissait rajeunie de 20 ans. Ses yeux brillaient, ses joues blêmes avaient pris un peu de couleur. On aurait dit que tout son être s'était développé. Ainsi ai-je vu un élève morne et indolent s'animer et reprendre vie tout à coup quand on lui donnait une tâche pour laquelle il se sentait des dispositions particulières. Elle dirigea sur Agatha un regard qui eut le don de m'exaspérer profondément, celui qu'auraient pu avoir les yeux d'une impératrice romaine toisant une esclave agenouillée à ses pieds. Puis, d'un geste bref et impérieux, elle éleva ses bras au-dessus de sa tête et les ramena lentement devant elle. J'épiai Agatha avec la plus vive attention. Pendant les 3 premières passes, elle parut simplement s'amuser de ses préparatifs. À la 4e, je remarquai que, en même temps que ses pupilles se dilataient, ses yeux devenaient légèrement vitreux. À la 6e, un frisson passager lui traversa tous les membres. À la 7e, ses paupières commencèrent à s'abaisser. À la 10e, elle avait les yeux complètement fermés et sa respiration était devenue plus lente et plus laborieuse qu'à l'ordinaire. En l'observant ainsi, je m'efforçais de conserver tout mon calme d'homme de science, mais je ne pouvais me défendre contre l'agitation stupide et injustifiée qui s'emparait de moi. J'ai la conviction de n'en avoir rien laissé paraître, mais j'éprouvais une inquiétude analogue à celle qui assaille les enfants au milieu des ténèbres. Jamais je ne me serais supposé capable d'une aussi évidente faiblesse. « Elle est en état d'hypnose, » déclara Mademoiselle Penellosa. « Elle dort tout bonnement, » protestai-je. « Eh bien alors, réveillez-la. » Je tirai ma fiancée par le bras et lui criai son nom à l'oreille. Mais elle ne bougea pas plus que si elle avait été morte. Son corps était là, sur le fauteuil de velours, son cœur, ses poumons, tous ses organes enfin fonctionnaient normalement. Son âme s'était enfuie en des régions qui sont en dehors de notre compétence. Où était-elle allée? Quelle puissance l'avait détachée de son enveloppe charnelle? Déconcertante question qui me laissait dans une perplexité absolue. Voilà pour le sommeil hypnotique, reprit Mademoiselle Penellosa. Quant à la suggestion, soyez certain que Mademoiselle Marden exécutera à la lettre tout ce que je lui ordonnerai de faire, soit à présent, soit quand elle sera sortie de sa léthargie. « Voulez-vous que je vous en fournisse la preuve ?»« Certainement, » répliquai-je. « Eh bien, vous l'aurez. » Je vis un sourire fugitif passer sur son visage, comme si quelque idée amusante lui avait traversé l'esprit. Elle se baissa et se mit à parler à voix basse à son sujet. Agatha, qui était demeurée sourde à tous mes appels, semblait par contre l'écouter attentivement et hochait la tête comme pour montrer qu'elle comprenait. « Réveillez-vous !» s'écria Mademoiselle Penellosa, en frappant avec sa béquille un coup sec sur le plancher. Les yeux d'Agatha s'ouvrirent, l'aspect vitreux de ses prunelles disparut lentement, et après sa fugue étrange, son âme rayonna de nouveau. Nous partîmes de bonne heure. Agatha ne paraissait nullement affectée par la bizarre expérience dont elle avait été l'objet, mais moi, je me sentais nerveux et troublé, et je demeurais absolument incapable d'écouter les commentaires que Wilson formulait à mon intention, et à plus forte raison, d'y répondre. Au moment où je prenais congé d'elle, Mademoiselle Penelosa me glissa un morceau de papier dans la main. « Pardonnez-moi, me dit-elle, d'avoir recours à certains moyens pour vaincre votre scepticisme. Ouvrez ce billet demain matin à 10 heures. Il s'agit d'une petite épreuve qui restera entre nous. » Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle a voulu dire par là, mais le billet est là, devant moi, et je ne le décacheterai que selon son désir. J'ai mal à la tête, et du reste, j'ai suffisamment écrit pour ce soir. Il est plus que probable que demain, ce qui me semble aujourd'hui si difficile à expliquer, prendra un aspect tout différent. En tout cas, je ne renoncerai pas à mes convictions sans les avoir sérieusement défendues.